Trois jeunes filles mûres et vivantes. La tante Agnès secoua la tête. « Tenez, dans ma jeunesse, j'avais une vieille servante quichua des bords du lac Titicaca, qui me racontait comment, dans l'espace de 30 ans, à la fête décennale de l'Interraimi, elle avait vu, elle, de ses propres yeux, mûres et vivantes, trois jeunes filles de la ville. « De quelle ville ? » demanda Raymond. « De Lima. » « Ça se saurait, » reprit Raymond, qui s'amusait beaucoup des mines des deux vieilles et qui était sournoisement poussé par Marie-Thérèse à les taquiner. « Mais ça se sait, mon jeune monsieur, » insista la tante. « On connaît très bien les noms des deux dernières jeunes filles qui ont été mûres vives dans le temple du soleil, l'une il y a 20 ans et l'autre il y a 10 ans. « Oui, oui, nous savons, » répéta en riant Cristobal. « Il n'y a pas de quoi rire, monsieur mon frère, » grogna Agnès. Et la duègne répéta plus bas. « Non, non, il n'y a pas de quoi rire. » Mais Cristobal était de plus en plus gai. « Pleurez donc, les pauvres enfants !» Et il fit le signe de gémir. « Enlevés à l'amour de leurs parents, dans la fleur de l'âge. « Monsieur mon frère, pourriez-vous nous dire comment sont disparues Amélia de Varga et Maria Cristina d'Orellana ?»« Oui, oui, qui nous le disent ?» inquiétait Irène. « Nous y sommes, nous y voilà !» « Je les attendais, » répartit le marquis. « Je vous prie de parler un peu sérieusement, mon frère. Vous avez connu Amélia de Vargas. » « Le plus beau sourire de la Plaza Mayor. Il y a de cela 20 ans, comme le temps passe. Oui, en effet, elle a disparu il y a 20 ans, avec un de ses parents. « J'ai entendu raconter avant-hier qu'il s'agissait d'un toréador, » interrompit Marie-Thérèse. « C'est une histoire qui revient, paraît-il, tous les 10 ans. » Quand approche l'Interraimi. C'est une histoire qui, dans son temps, a remué toute la ville. À la suite d'une échauffourée à la Plaza des Toros, les parents d'Amélia qui l'accompagnaient cherchèrent en vain leur fille. Elle avait disparu et elle ne reparut plus jamais. On l'avait vue emportée par des Indiens et l'on sait parfaitement qu'elle a été mûre et vivante. Puissance de l'imagination des foules. La vérité, je l'ai dite, car dans le même temps qu'elle, le parent dont je vous ai parlé et qui la protégeait disparaissait aussi. Ils étaient allés habiter ailleurs. Cela vous plaît à dire, monsieur mon frère? Heureusement qu'il nous reste Maria Cristina d'Orellana. Évidemment, reprit le marquis. Son aventure à celle-là fut plus triste. Elle se promenait avec son père aux environs de Cusco et entra dans des souterrains dont nul n'a jamais connu les détours. Elle s'y perdit, quoi de plus naturel? C'est depuis ce moment-là que le gouvernement a fait murer les souterrains. « Oui, et c'est depuis ce moment-là, » reprit la tante, « que le père est devenu fou. Il continue d'errer sur les ruines de Cusco et autour des souterrains en appelant sa fille. Depuis 10 ans. Ce n'est pas à lui qu'il faudrait dire qu'elle n'a pas été enlevée par les Indiens pour la cérémonie de l'Interraimi. Puisque vous dites vous-même qu'il est fou, il l'est devenu à la suite de la certitude qu'il eut de l'horrible sacrifice. Quelques jours avant sa disparition dans les souterrains de Cusco, Maria Cristina avait reçu un étrange cadeau, un lourd et vieux bracelet d'or orné en son milieu d'un disque représentant le soleil. « Ma bonne Agnès, vous savez bien que dans ce pays-ci, nos orfèvres mettent le soleil à toutes les sauces. » « Oui, mais ce bracelet-là était le vrai, celui qui avait été envoyé également, paraît-il, à Amélia. » « Ah, ma sœur, vous inventez. Comment voulez-vous, avec des histoires comme les vôtres, que l'on écrive l'histoire ? Surtout, mon cher hôte, ne prenez pas de notes, je vous en prie. »« Je n'invente rien, » reprit la vieille têtue. « C'était le vrai bracelet soleil d'or, le bracelet du sacrifice. Celui que, tous les 10 ans, depuis la mort du dernier roi Inca, Atahualpa, brûlé vif par Pizarre, les prêtres incas envoyèrent à celle qui fut choisie pour être l'épouse du soleil et qui devait être murée vivante. Le pauvre Orellana en a assez parlé du bracelet soleil d'or. Toute la ville en a parlé. Oui, oui, ma sœur, toute la ville a bien de l'imagination aux environs de l'Interraimi. Et le marquis se penchant vers François Gaspard. Vous ne sauriez vous douter, mon cher illustre hôte, du mal que nous avons à la Société de géographie et d'archéologie, pour nous débarrasser de toutes ces légendes. Vous qui êtes un vrai savant, oh, le savant ne doit pas dédaigner les légendes, répondit l'académicien. Et je dirais que, pour mon compte, je suis enchanté de mon voyage et bien heureux d'être tombé dans un pays où elles sont encore si vivantes. » À ce moment, un domestique entra et se dirigea vers Marie-Thérèse. Il portait un léger registre et une petite boîte. « Objet recommandé, dit-il. Le facteur est déjà venu tantôt et je lui ai dit de repasser ce soir. Mademoiselle doit signer ici. » Marie-Thérèse signa. « Tiens, fit-elle, cela vient de la Cajamarca. » « Mais je ne connais personne à Cajamarca. Qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Vous permettez ?» Et elle défit cela, décacheta, ouvrit la petite boîte de bois. « Un bracelet » s'écria-t-elle en riant un peu nerveusement. « Eh bien, voilà une coïncidence bien amusante. » « Mais c'est le bracelet soleil d'or. Ma parole, le bracelet de l'épouse du soleil. » Tous s'étaient levés, excepté les deux vieilles qui n'en avaient pas la force. Et tous les yeux étaient sur le lourd anneau de vieil or bruni, avec son disque de soleil, dont les rayons paraissaient éteints, encrassés par la poussière des siècles. « Ah bien, c'est une bonne plaisanterie, » fit en riant Marie-Thérèse. Parbleu, sentit le marquis, dont la voix était légèrement changée, « elle est bien bonne. C'est la vengeance, jolie, du reste, et très élégante, de ce brave Alonso de Cuellar, dont tu viens de refuser la main. Il me l'avait bien dit avec son triste et aimable sourire. Je me vengerai de la Vierge du Soleil. Tu sais bien que tout le monde au cercle t'appelle la Vierge du Soleil, puisque tu ne veux pas te marier. Mais qu'est-ce que vous avez à faire une tête comme ça, vous autres ? » Et se tournant vers les deux vieilles. « Quoi, tout de même, vous n'allez pas vous rendre malade pour une simple farce ?» Marie-Thérèse faisait admirer le bracelet à François Gaspard et à Raymond. « Mon père, vous direz à Don Alonso que j'accepte son cadeau et que je le porterai en gage de notre bonne amitié. Il est vraiment très joli. On ne fait plus de ces bijoux-là. Qu'en dites-vous, monsieur Ouzou ?»« Moi, répondit François Gaspard, je jurerais que ce bracelet a 400 ou 500 ans, au moins. » On trouve encore de ces trésors dans les fouilles autour des tombes royales, mais ils se font rares. Je ne m'étonne pas que Don Alonso soit allé chercher celui-ci jusqu'à Cajamarca, dit le marquis. Où est-ce Cajamarca? Demanda Raymond. Jeune ignorant, fit l'oncle. Sache que Cajamarca est tout simplement l'ancienne Caxamarca des Incas, la seconde capitale de leur empire au temps de Pizarre. Et la ville où leur dernier roi fut brûlé vif, fit entendre la voix expirante de la tante Agnès. On se précipita vers elle car elle se trouvait mal. Il fallut la porter dans son appartement. La vieille reine suivait, plus pâle que sa guimpe, et faisant avec son pouce sur son front le signe de la croix. Qui a offert le bracelet ? Le lendemain de son arrivée à Lima, l'oncle François Gaspard fut reçu solennellement par la Société de géographie, dont il sut célébrer l'œuvre magnifique, les travaux archéologiques, statistiques, hydrographiques, avec une émotion scientifique qui fut bientôt partagée par tous ceux qui étaient là. Son succès fut grand, et le génie français, à son tour, fut loué dans sa personne. Toutefois, le plus heureux, le plus fier, était encore Cristobal, qui prenait sa part de la gloire de l'académicien Ouzou. À la sortie de cette séance mémorable, à laquelle assistèrent naturellement Raymond et Marie-Thérèse, laquelle avait mis son bracelet en dépit des pleurnicheries des deux vieilles, le marquis rencontra Don Alonso de Cuellar, un charmant jeune homme. « Mon cher ami, lui dit-il, je vous croyais à Cajamarca. » Don Alonso ouvrit des yeux énormes, il ne comprenait pas. « Écoutez, Cuellar, ne faites pas l'étonner. Je ne me fâcherai pas. Vous vous êtes gracieusement vengé du refus de Marie-Thérèse. »« Moi ? Allons donc, le bracelet. » « Quel bracelet ?» À ce moment, Marie-Thérèse et Raymond rejoignirent le marquis. Marie-Thérèse avait vu que son père s'entretenait en riant avec Don Alonso, et elle ne doutait point que le mystère du bracelet fût déjà éclairci. « Merci, ami, » fit-elle en tendant la main à Don Alonso, la main où glissait le lourd bijou. « Vous voyez, je le porte en gage de notre bonne amitié. » « Mais je ne me serais pas permis, » protesta le jeune homme en regardant tour à tour le marquis, Marie-Thérèse et Raymond. Vous parlez sérieusement, ce n'est pas vous ? Je vous jure. Mais quelle est cette histoire ? Et quel singulier bijou est-ce là ? Vous ne le reconnaissez pas ? C'est, paraît-il, le bracelet soleil d'or que les prêtres indiens envoient toujours à l'épouse du soleil à la fête décennale de l'Interreimi, reprit en lui souriant comme une enfant espiègle Marie-Thérèse, car elle n'était point encore bien convaincue par les protestations de celui qui avait vainement demandé sa main. Et comme c'est vous qui avez lancé le surnom dont on me salue partout maintenant à Lima, nous avions pensé que vous aviez voulu, malgré tout, être gracieux avec la Vierge du Soleil. Ma foi, c'est moi qui ai tort de n'avoir pas pensé à cela, soupira Don Alonso. C'était en effet très gentil, historique et ingénieux. Et puisque vous deviez le porter, je ne me pardonnerai jamais de n'avoir pas eu l'admirable imagination de vous envoyer ce bracelet-là. Le mérite en revient certainement à l'un de ces malheureux amis qui ont brigué le même honneur que moi, señorita, et qui n'ont pas été plus heureux. Tenez, voilà justement Pedro Ribera qui passe, sombre et sournois. Ma parole, il a bien l'air d'avoir fait le coup. Et il l'appela. Mais pas plus que Cuellar, Ribera ne savait ce dont on lui parlait. Comme lui, il s'extasia sur l'étrangeté du bijou, et comme lui, il regretta de ne pas l'avoir envoyé. Le marquis commençait à être agacé, et il regrettait maintenant d'avoir parlé du bijou à ces messieurs. Il ne pouvait, sans être ridicule, leur demander de taire une aventure qui, après tout, n'était point bien méchante. Et il savait que, dans 2 heures, sur la promenade, au glacier, au thé, à la Plaza Mayor, on ne parlerait que du mystérieux bracelet de la Vierge du Soleil. Marie-Thérèse comprit très bien ce qui se passait dans l'esprit de son père. Écoute, papa, ce bracelet maintenant est ridicule. En attendant que celui qui nous a fait cette petite surprise veuille prendre la peine de se dévoiler, qu'il disparaisse, et n'en parlons plus. Sur quoi elle l'ôta, d'un geste gracieux, et l'enfouit dans son sac à main. Moi j'ai une pensée, dit Raymond. Si c'était Huascar. Huascar? Pourquoi Huascar? Demanda le marquis. Dame, voilà un vieux bijou indien. Comme je ne connais que cet indien-là, et que je sais qu'il est très dévoué à votre maison, je puis imaginer qu'il n'aura peut-être rien trouvé de mieux que de faire cadeau à votre fille d'un bracelet qu'il aurait trouvé et dont il ne saurait que faire. N'en parlons plus, n'en parlons plus, fit Marie-Thérèse légèrement rougissante. Et que ce soit Huascar ou un autre, cela ne m'importe plus. Et puis, ne soyons pas si impatients. Nous allons peut-être voir arriver demain ou après-demain à la maison un ami de papa autour de la Sierra qui me dira en baisant la main « Eh bien, vous ne portez pas mon petit cadeau ?»« Dame, il faudra que ça se passe ainsi un jour ou l'autre, » fit Raymond avec une très tranquille désinvolture. Le marquis, qui, lui, tout au fond, était un peu troublé, remarqua aussitôt ce bel air dégagé de Raymond. Il ne lui parut point naturel. « Je parie que c'est vous » s'écria-t-il déjà joyeux. « Moi, quoi ? J'arrive. Comment voulez-vous que ce soit moi ?»« Vous pouvez avoir acheté ce bijou à l'escale de Guayaquil et l'avoir expédié à un correspondant français de Cajamarca pour être réexpédié ici. »« Oui, oui, vous avez voulu vous annoncer. Vous avez dû lire la légende du bracelet d'or dans un des livres de votre oncle. » « Papa, papa, monsieur Ozu est un jeune homme sérieux, un ingénieur qui est venu au Pérou pour essayer d'assécher les mines d'or de Cusco grâce à un nouveau siphon. » « Oui, oui, tu m'en as parlé de ce siphon. Cela ne l'empêche pas d'envoyer un bracelet. » « À quel titre, mon père ?»« Au titre de fiancée, ma fille. » Cette fois, Marie-Thérèse rougit jusqu'aux oreilles et Raymond toussa et sourit d'un air fort. Le marquis les dévisageait avec malice et obstination, tous les deux. « Hein ? Dites que ce n'est pas vrai. Si tu crois que je n'ai rien deviné, me prends-tu pour un sot ? Je savais bien que tu avais laissé un petit coin de ton cœur là-bas, à Paris, et ce n'était que pour en être sûr que je t'ai amené tant de jolis prétendants. Ah, monsieur Ozu, je l'ai éprouvé. Elle vous aime bien. Et vous êtes un heureux gaillard. Monsieur, balbutia le pauvre Raymond qui avait les larmes aux yeux, monsieur, je vous assure, jamais, je ne peux pas, je ne pouvais pas avoir la pensée. Taisez-vous. « Et remettez vous-même le bracelet de vos fiançailles au bras de Marie-Thérèse. « Avec quelle joie, cette fois ?» répondit la jeune fille. Et après avoir regardé autour d'elle, pour s'assurer que, dans le coin où il se trouvait, il n'y avait point de gêneur, elle sauta au cou de son père, ou plutôt elle éleva son père dans ses bras, l'embrassa tendrement, le déposa, se retourna vers Raymond, et, ouvrant son sac devant le jeune homme, lui murmura rapidement à l'oreille. « Dites donc que c'est vous qui l'avez envoyé, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Raymond passa l'anneau en tremblant au bras de Marie-Thérèse. Les oreilles lui sonnaient de si furieuses cloches qu'il lui était impossible d'entendre les paroles de triomphe du marquis, lequel rayonnait d'avoir deviné le mystère des amoureux et du bracelet du soleil d'or. Raymond se contentait d'approuver de la tête tout ce que l'autre disait. « Ah bien, comme on dit à Paris, termina Cristobal, vous pouvez vous vanter de nous avoir fait marcher. » Et il courut à la recherche de l'oncle François Gaspard, auquel on offrait un champagne d'honneur.